بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. Par le ciel et le visiteur nocturne. Connais-tu le visiteur nocturne? C'est l'étoile à la lumière perçante. En vérité, toute personne est suivie par un ange gardien. Que l'homme regarde donc de quoi il a été créé. Il a été créé à partir d'un liquide jaillissant qui sort d'entre le dos et les côtes. En vérité, Allah peut bien le ressusciter. Le jour où seront examinés les bilans secrets et où personne n'aura ni défense ni secours. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. Par le ciel et ses ondées successives, par la terre qui se fissure, en vérité, cette révélation est une parole décisive, exempte de toute frivolité. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. Les infidèles trament leur complot auquel j'ai opposé ma riposte. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Laisse donc un répit aux infidèles. Ce ne sera qu'un répit provisoire.